toute l'actualité des sports mécaniques avec Skoda, vainqueur du trophée Andros 2000. RMC Motors avec Motors TV, Xavier Richefort. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Motors, vous êtes sur RMC, il est 12h09 minutes au programme, que du beau, que du lourd. On attaquera cette émission en compagnie de Patrick Pilet, vainqueur des 24 heures de Dubaï, qui nous parlera de ses objectifs cette saison. Ensuite, nous aurons en ligne le président de la Fédération Française de Moto, Jacques Boll, pour nous présenter l'épreuve reine de l'enduro le week-end prochain, l'Enduropal du Touquet, et puis qui nous parlera aussi de son combat contre les écologistes qui lui veulent du mal. Le journal de la F1, ce sera à 12h30, et puis ensuite, en compagnie de Patrick Tambay et Jean-Luc Roy, et puis ensuite, nous aurons droit à une page de saison, j'ai envie de dire, puisque nous reviendrons très largement sur le trophée Andros, qui s'est refermé ce week-end. Nous devrions avoir en ligne, normalement, le vainqueur de cette édition, et puis l'organisateur, Max Mamers, qui nous fera le bilan de cette édition 2010. Et puis ensuite, nous partirons en Laponie pour y retrouver Eric Briquet, qui était à l'Arctic Rally et qui nous parlera des débuts de Kimi Raikkonen. Et nous recevrons Patrick Zaniroli, qui lui viendra nous présenter son trophée, son rallye neige et glace. Voilà pour le programme. Tout de suite, nous allons prendre en ligne Patrick Pilet, qui est donc le pilote officiel Porsche depuis 2008. Patrick, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Comment ça va Patrick? Plutôt pas mal. Ouais, j'imagine. Je suis rentré fraîchement du Castellet où j'étais pour Porsche pour des films publicitaires, donc tout va bien. Je me prépare notamment à partir en training camp. C'est un camp de sport qu'on fait tous les ans avec Porsche qui dure une quinzaine de jours. Donc voilà, un peu de repos avant de repartir pour ce stage sportif. Bien, bien, bien, formidable. Moi, je croyais que vous étiez au Castellet pour non pas pour des films publicitaires, mais pour de l'entraînement. En même temps, ça doit, vous devez vous en servir aussi pour vous entraîner. Oui, un petit peu, puisque il y avait donc une voiture de course plus une voiture de série. Donc oui, on a roulé un petit peu sur la voiture de course, mais bon là. La majeure partie du temps était dédiée pour les vidéos et des photos également. Bien, Patrick, on va parler de votre début d'année 2009. Tony Truant, vous avez quitté sur une fort belle victoire au Portugal, à Portimao. Et puis là, on vous retrouve au relais d'une nouvelle victoire, d'une nouvelle ligne à votre palmarès avec cette victoire aux 24 heures de Dubaï. Donc, tout va bien en ce début d'année. Oui, tout commence bien. On avait comme vous dites bien terminé la saison. On a bien travaillé parce que Dubaï c'était un objectif pour nous. On connaissait pas du tout le championnat, que ce soit l'équipe IMSA Performance Matmut avec qui on est parti là-bas, que ce soit mon coéquipier chez Porsche qui est Marco Holzer, seul Raymond Narak lui connaissait puisqu'il avait eu la chance de faire cette épreuve l'année d'avant. Donc ça a été un week-end parfait et ça a été une belle découverte, une belle épreuve de 24 heures qui situe plutôt pas mal dans le calendrier puisque ça nous permet de faire une course pendant le long break hivernal et d'arriver fin prêt pour les courses du début d'année. Et une victoire et une course que vous aviez particulièrement bien préparée parce que les conditions sur place c'était pas simple, hein. Essai, qualification en une demi-journée. Fallait pas le droit à l'erreur, quoi. Oui, tout était assez concentré et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'essais. On a eu la chance d'avoir bien préparé donc l'événement et d'avoir une voiture qui était d'entrée, on va dire, assez performante. On a eu juste quelques petits ajustements à faire. Mais l'épreuve, c'est vrai que c'est un peu particulier là-bas parce que c'est dans le désert, donc un circuit très sale, avec beaucoup de catégories différentes, c'est-à-dire que ça va de la Clio Cup jusqu'à nous, la Porsche RSR, donc des grosses différences de performance, également beaucoup de trafic, il y avait 74 voitures en piste, donc ça fait un beau plateau, et il a fallu s'adapter à tout ça, et notamment à quelques spécificités de cette épreuve, notamment... Pour la petite anecdote, le ravitaillement en essence, c'était avec des pompes traditionnelles. Donc ça prenait pas mal de temps. J'imagine. Patrick, je vous interromps deux petites secondes parce qu'on va filer pour Melbourne avec la finale, vous savez, de l'Open d'Australie, cette finale entre Federer et Murray. Et il y a une balle de match. On retrouve Eric Salio, balle de match pour Federer. C'est bien ça, Eric? Non, non, c'est pas une balle de match, c'est une balle de 7. Balle de 7, ah oui, pour Murray. Nous sommes dans le tie-break, à l'envers. Là. 7 points à 6 pour Andy Murray, qui a déjà gâché deux occasions. Et l'échange est installé entre Roger Federer et Andy Murray. Murray qui a peut-être gâché beaucoup trop de munitions dans cette manche, car il a servi pour le 7 à 5-3. Il a eu deux balles de 7, dont une. Oh là, c'était un coup droit d'attaque enfantin qu'il a mis dans le filet. Et là, l'échange se prolonge. Federer n'arrive pas à forcer la décision. Andy Murray est bien campé derrière sa ligne. Il va peut-être lâcher un missile là. Federer est en difficulté. Murray va-t-il y aller? Il monte au filet. Le passing, la volée qui sort d'Andy Murray. Andy Murray qui a le bras qui tremble sur chaque occasion. Ça fait donc 7 points partout. Federer qui sauve sa peau une nouvelle fois dans ce tie-break irrespirable. Et c'est là qu'on voit toute l'inexpérience tout de même d'Andy Murray sur ses balles qui valent tellement cher. Mais là, il avait une volée facile. Il l'a mal négociée. Elle est sortie dans le couloir. Et Federer revient donc à hauteur de son adversaire. 7 points partout dans ce tie-break du 3ème set. Je rappelle évidemment que Roger Federer a remporté assez facilement les deux premières manches, 6-3, 6-4. Mais là, c'est devenu beaucoup plus accroché. Le dernier rallye a duré 23 échanges. Et voici un ace pour Roger Federer. C'est donc une balle de match cette fois-ci. Balle de match. Oui. Mais il revient de loin quand même, le Suisse, parce qu'il était quand même bien ballotté dans ce tie-break. À la rigueur, j'ai envie de dire qu'il ne mérite pas à gagner ce set, parce que Murray a fait la course en tête, il a eu les premières balles de set. Mais bon, je vous le disais, quand on a en face de soi un champion comme Federer, on n'est pas forcément serein dans les moments cruciaux. Et la tension extrême a fait un petit peu dérailler Andy Murray, qui donc cette fois-ci se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Balle de match à sauver sur le service d'Andy Murray. Première balle dedans. Mais Federer a remis le retour de slicé. Oula, cette fois-ci, non, j'ai cru que ça allait sortir. Mais non, Federer qui joue beaucoup de slice tranquillement. Il va peut-être attendre la faute d'Andy Murray. Et Murray qui vient une nouvelle fois la voler. Attention, le passing de Federer, il est out. Mais c'est passé tout près. Ça s'est joué à une vingtaine de centimètres. 8 points partout dans ce tie-break du 3ème set. Il avait un 16ème titre à portée de fusil, Federer. Un passing de coup droit qui n'était pas facile à faire parce qu'il était vraiment en bout de course. Il s'est battu comme un fou, mais c'est vraiment sorti de quelques centimètres. On va revoir le ralenti. Oh, ça se joue à une dizaine de centimètres, Xavier. Federer qui ne bronche pas, il ne montre pas sa déception. Tout est intérieur chez le Suisse et donc il va tenter de se procurer une nouvelle balle de match. C'est Murray qui est donc au service à 8 points partout. 2 balles de 7 pour Murray, 1 balle de match pour Federer. C'est le genre de tie-break assez spectaculaire, époustouflant, au grand bonheur des 15 000 spectateurs de la Rod Laver Arena. Federer qui faute en revers. Une faute inhabituelle du numéro 1 mondial qui permet donc à Andy Murray de se créer une 3e, une 4e balle de 7 même dans ce tie-break époustouflant. Mais attention, c'est Federer qui va servir. Et ça, évidemment, ça change un petit peu la donne pour l'Écossais. On voit sa maman dans le box des joueurs qui est scotchée. Elle n'ose plus bouger. Elle est tellement tendue, tellement stressée parce qu'elle sait que si jamais son môme, son fils, remporte ce set, cette finale est complètement relancée. Andy Murray qui s'accroche comme un fou. Federer qui revient au filet. Passing de Murray. Il y a encore un passing à faire. Il tente le lob. Out, c'est pas possible, out. Ça se joue encore une fois à quelques centimètres. Il n'a pas eu la lucidité pour placer le coup qu'il fallait sur la volée de Federer, qui n'était pas génialissime, mais elle était suffisamment profonde pour l'empêcher de tirer un passing shot de revers dans les meilleures conditions. Ça avait donc 9 points partout dans ce tie-break du 3ème set. Je crois que j'avais regardé le chrono, oui, ça fait au moins 10 minutes que ce tie-break, plus que ça, même 15 minutes que ce tie-break a été engagé, mais les échanges sont époustouflants. Il y a vraiment des rallyes de grande intensité, donc 9 partout. Les deux joueurs ont changé de côté. Murray, où il n'a pas la tête du vainqueur, il est à la recherche d'oxygène. Il sait qu'il a gâché beaucoup d'occasions dans ce tie-break du 3ème set et peut-être qu'il va le regretter au final. On se souvient que c'est la deuxième fois qu'ils s'affrontent en finale d'un chelem. Hein. La première, c'était à l'US Open 2008 et Murray, pour sa première grande finale, était passé un petit peu à côté, battu en 3-7 par Federer, qui était à l'époque le roi incontesté à New York. Allez, 9 partout. Deuxième balle de service pour Federer. Le retour de Murray est dedans. Et Federer, donc il va peut-être appuyer encore ses coups, mais il faut dire que Murray défend très très bien depuis encore. Federer au filet, volée amortie, elle est parfaite, balle de match. Nouvelle balle de match pour le Suisse, pour le numéro 1 mondial. Andy Murray là qui a couru comme un dératé, mais la volée amortie était somptueuse de Roger Federer. Rien à dire, ça fait donc 10 points à 9 dans ce tie-break du troisième set. C'est Murray qui va tenter de sauver la peau. Je suis vraiment désolé pour Motors, mais là, c'est vraiment l'impondérable hein, dans le tennis. Hein. Mais tout va bien, tout va bien. J'espère que je ne perturbe pas trop votre émission. Mais bon, c'est une finale de Schlem. Voilà, quand même, c'est la finale du Grand Schlem, bien évidemment. C'est une grande finale. RMC, c'est la radio de tous les sports. Exactement, ça peut se terminer dans les secondes qui suivent, puisque Murray donc doit sauver une deuxième balle de match sur son service. Il est mené 10 points à 9 dans ce tie-break. Ouh là là, sa première balle dans le milieu du filet. Ça, c'est pas bon signe, Xavier. J'ai comme l'impression que Federer va nous lâcher un coup de génie. C'est parti. Oh là là. En deux temps peut-être, Federer amorti, Murray qui y va. Elle est sauvée, c'est pas possible, il s'est battu. Incroyable Federer qui pourtant avait l'occasion de tuer ce match. Il a tenté l'amorti. Intimération, elle est douteuse parce que Andy Murray s'est battu comme un fou. Il a des jambes de folie et Federer qui a retenu son bras. Il a failli la prendre, il s'en prend. Il a énormément de regrets sur ce coup parce qu'il l'avait dans la raquette et il a mal jugé cette balle Roger Federer, ce qui permet donc à Andy Murray de sauver sa peau. Federer, c'est une erreur assez incroyable dans ces moments, un manque de lucidité étonnant de la part du Suisse qui vraiment avait l'occasion de tuer entre guillemets cette finale. 10 points partout, Federer donc qui vient de gâcher sa deuxième balle de match dans ce tie-break absolument époustouflant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à un tel tie-break dans une finale de Grand Chelem. Murray donc qui démontre qu'il a un cœur énorme, un cœur d'écossais. Vous savez qu'il veut mettre quand même fin à 73 ans d'attente. Le dernier Britannique à avoir remporté un titre du Grand Chelem, c'est Fred Perry. Federer qui met un coup droit dans le filet. Fred Perry en 1936. Et ça fait donc nouvelle balle de set pour Andy Murray. 11 points à 10. Ici dans la Rod Laver Arena, je ne vous dis pas l'atmosphère, elle est carrément électrique. Ici à Melbourne. Et Federer qui s'est mis dans de sales draps, puisque je rappelle qu'il a gâché deux balles de match et surtout cette deuxième qui peut-être traîne dans son cerveau parce qu'il avait vraiment l'occasion de la prendre. Cette contre-amortie, il n'a pas osé, mais bon, il s'en sort avec sa service gagnant, c'est pas possible. 11 points partout. Xavier, on est en train de vivre un truc complètement délirant ici à Melbourne Park, dans la Rod Laver Arena, un stade qui se réussit souvent en français. Mais là, c'est une finale absolument époustouflante entre Federer et Murray. Deux manches à zéro, Federer, 6-3, 6-4, mais 11 points partout dans le tie-break du troisième set. Federer qui a l'occasion de... Voilà, oulala, qui place un coup droit gagnant. On voit que Murray se tient le dos. Il n'a pas pu y aller. 12 points à 11. Nouvelle balle de match pour Roger Federer qui s'impose vraiment en patron, qui semble avoir l'occasion de mettre un terme à cette finale parce que là Murray il est allé puiser très très loin dans ses ressources, notamment sur cette deuxième balle de match pour aller chercher comme un fou l'amorti de Federer. Mais là on l'a vu quand même se tenir le dos, il est au bord de la rupture, le jeune écossais Andy Murray. 12 points à 11, Murray au service, il lui faut une première balle sinon il sera dans grosse difficulté. La première balle ne vient pas, deuxième balle de service donc pour Andy Murray. Balle de match pour Roger Federer, la numéro 3. Elle est dedans, mais elle n'est pas suffisamment puissante pour gêner Federer. Et voilà, c'est fini ! Revers dans le filet de Federer, qui remporte son 16e titre du Grand Chelem ici à Melbourne face à Andy Murray. 6-3, 6-4, 7-6. Tie-break incroyable, 13 points à 11. Murray a eu sa chance, mais il faudra encore qu'il revienne pour mettre fin à cette assoumdade insoutenable attente du peuple britannique. Federer est le king ici à Melbourne. Merci, merci beaucoup Eric Salio de nous avoir fait vivre cette fin de finale en direct. On marque une petite pause et puis tout de suite on revient dans l'actualité de Motors avec Patrick Pilet qui a gentiment patienté. On le retrouve tout de suite. Allez la pub. RMC Motors avec Motors TV, Xavier Richefort. Allez, 12h24, Motors va poursuivre sa route après ce petit intermède depuis Melbourne avec la victoire donc de Roger Federer face à Andy Murray en 3-7, 6-3, 6-4, 7-6 pour le Suisse. Patrick Pilet, vous avez suivi ça en direct avec nous, vous avez gentiment patienté, mais je suis sûr que ça vous passionnait vous aussi cette finale. Ah oui, tout à fait. J'aime tous les sports et notamment le tennis. En plus, c'est un compatriote à moi qui a gagné. Donc c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais je suis en fait franco-suisse. Donc j'aime bien Federer. Ouais, bah, c'était votre petit cocorico à vous. Voilà, tout à fait. On va revenir donc sur votre victoire à Dubaï, Patrick Pilet, en compagnie, hein, vous l'avez précisé, de Raymond Narak et Marco Holzer. Parlez-nous un petit peu de cette aventure avec Raymond Narak, personnage incroyable, étonnant, attachant. Ah oui, Raymond, c'est quelqu'un de génial. Il s'est construit entièrement, c'est-à-dire qu'il a commencé comme mécanicien. Et maintenant, il a une belle société avec un centre Porsche à Rouen qui est un des plus beaux qu'on peut avoir en France. Il a monté une structure donc de course depuis quelques années où il court lui-même donc dans cette structure. Et ils ont gagné de grandes choses, notamment Le Mans en 2007. Et c'est vrai que j'ai la chance de courir avec cette écurie avec qui je m'entends extrêmement bien. Et où Porsche m'a placé l'année dernière pour essayer de remporter un maximum de courses et les fruits, on va dire, du travail qu'on a effectué l'an dernier commencent à porter leurs fruits puisque on a gagné la première course de l'année qui était également une course importante puisque c'était une course de 24 heures où on avait besoin un peu de confirmer puisque l'an dernier on a eu quelques soucis pendant les courses de 24 heures, notamment 24 heures du Mans où on a eu un problème mécanique. Donc ça, tout le monde avait à cœur de bien figurer et c'est ce qu'on a fait, donc c'est parfait. Parlez-nous un petit peu, Patrick, si vous voulez bien, de la suite de votre saison, tout simplement. Alors, bien évidemment, il y aura des essais au Castellet bientôt, mais il y a d'autres grands rendez-vous qui vous attendent. Oui, tout à fait. Moi, je repars donc avec l'équipe IMSA Performance Matmut, comme l'an dernier, avec à peu près le même programme, c'est-à-dire le LMS, Championnat Le Mans Series. Qui comptera 5 épreuves, le championnat GT Open, qui est un championnat également international, mais qui comptera cette fois 8 épreuves avec 2 courses par week-end, avec des voitures seulement GT2, GT3. Ensuite, les 24 heures de Spa, ça c'est une certitude, et on attend les nominations pour les 24 heures du Mans, où on a demandé une invitation, et où on espère... bien évidemment être au rendez-vous pour tenter de décrocher la victoire au Mans. Avec cette victoire à Dubaï, ça devrait quand même influer en votre faveur, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr, mais bon, on n'est jamais à l'abri de ne pas être qualifié, mais bon, je pense que vu les résultats et vu l'histoire également de IMSA Performance au Mans, on a de bonnes chances, j'espère, d'être dans la liste des voitures engagées au Mans. Patrick, merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir patienté pour vivre cette fin de finale de Melbourne en direct. Et puis on vous souhaite le meilleur pour cette année qui démarre. Elle a déjà parfaitement bien commencé avec, je le rappelle, cette victoire aux 24 heures de Dubaï. On espère qu'il y en aura d'autres sur le chemin de votre saison. D'accord, ben merci beaucoup. Et puis j'espère à très bientôt pour des nouvelles encore meilleures avec d'autres victoires. Ah ben dès que vous gagnez, on vous appelle, hein. Pas de problème. Et même si vous gagnez pas, on vous rappellera. D'accord, avec plaisir. Merci infiniment, Patrick. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, deuxième invité, deuxième étape de cette édition de Motors. Il est 12h28, en compagnie, je vous l'avais annoncé, de Jacques Boll, président de la Fédération Française de Moto. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, RMC. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors, c'est gentil de prendre un petit peu de votre temps ce dimanche chargé, j'ai cru comprendre. Hein. C'est ce qu'on m'a dit à la fédération, que vous aviez un week-end chargé. Vous êtes où, là ? Je suis en déplacement en province, en effet. Ah, oui. C'est ça, dans les ligues ? Oui, tout à fait. Alors, je fais appel à vous pour nous présenter, j'ai envie de dire, le début de cette saison moto qui va démarrer très très fort. Ce sera le week-end prochain avec l'Enduropal du Touquet. Épreuve mythique s'il en est. Peut-on parler de la plus grande course du monde ? Plus grande course du monde, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'épreuve qui accueille ou à son départ le plus grand nombre de compétiteurs, puisqu'ils vont être, si on additionne les pilotes moto et les quadistes, près de 2000, hein, 1700 je crois, au départ de cette enduro du Touquet. 14 nationalités représentées, c'est ça marque. Ah oui, tout à fait, oui. Non, mais l'enduro pâle du Touquet est à ce niveau-là vraiment un succès extraordinaire. Et d'ailleurs, on peut noter que cette année, il y a eu un regain d'inscription, puisque je crois que si ce ne sera peut-être peut-être pas l'épreuve record, en tout cas ce sera l'une des plus grandes éditions en termes de participation. De participation, c'est ça. Ils seront plus de 2000 en moto, plus de 500 en quad. Enfin voilà, c'est vraiment une formidable épreuve qui connaît un succès populaire énorme aussi, avec pas moins de 200 000 spectateurs attendus, si je ne m'abuse. Non, on peut même dire 300 000, je crois. Hein. Allez, on y va, on a passé la barre des 300 000. Oui, oui, tout à fait. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des événements, avec peut-être le Tour de France cycliste, qui accueille le plus de monde sur une compétition sportive. Depuis 1994, le podium est 100% français. Je remets tout dans l'ordre. Le podium est 100% français. Ça aide aussi au succès de cette épreuve ? Sans doute, mais je suis persuadé que si un étranger ponctuellement remportait l'épreuve, ça ne lui ferait pas grand mal. Hein. Alors c'est vrai que les Français ont toujours été à la pointe de cette manifestation. Cette année, malheureusement, il faut avoir une pensée sur le grand favori qui ne sera pas au départ, hein, Timothée Potisek, qui nous a quittés il y a quelques mois. Exactement. Il ne sera pas au départ. Et donc, du fait de son absence au départ, eh bien, on va avoir une épreuve extrêmement ouverte, hein, avec une liste au moins de 7 ou 8 garçons qui peuvent remporter lors du Europal du Touquet cette année. Alors, il y aura aussi un monument de cet Enduropal, c'est celui qui donnera le départ. Parlez-nous un petit peu de cet homme qui a pris sa retraite sportive. Vous voulez parler d'Arnaud de Mester ? Exactement. Eh bien oui, ben Arnaud, c'est un garçon qui a remporté un nombre de fois, d'ailleurs que c'est le principal vainqueur, c'est le garçon qui a remporté le plus d'éditions du Touquet. Eh bien c'est un garçon qui à un moment a choisi de prendre sa retraite, ça on peut le concevoir. On ne peut pas non plus ad vitam aeternam rester au guidon au plus haut niveau, mais c'est un garçon qui jusqu'à la fin de sa carrière a été dans le coup et était en bagarre pour la victoire de cette compétition. Et puis alors, une première cette année, l'Enduropal jeune, qui est ouvert à 150 participants, a une particularité, l'utilisation d'un carburant spécifique, un carburant nouvelle génération. Oui, mais écoutez, on va sans doute en parler. Exactement, c'est là que je vous amène. Tout à fait, la transition est habile. En effet, mais écoutez, vous savez que le sport moto, le sport mécanique en général, comme toute la société, eh bien, nous sommes conscients des efforts qu'il faut faire en termes d'environnement. Et donc, à ce titre-là, eh bien, l'organisateur de l'Enduropal du Touquet, cette année, a choisi donc de faire rouler les jeunes avec un carburant plus écologique. Alors, Président, on va marquer une petite pause pour la deuxième partie de votre intervention qui va concerner justement le côté écologique et l'engagement de la Fédération française de moto dans ce domaine. Une petite pause et puis on revient tout de suite. RMC Motors avec Motors TV, Xavier Richefort. Il est 12h35, vous écoutez Motors, vous êtes sur RMC, nous sommes en compagnie de Jacques Boll, président de la Fédération française de moto. Toujours là, Président ? Allô, allô ? Oui, allô ? Jacques Boll. Ah, vous êtes là, toujours. Je vous entends mal. Ah, moi, je vous entends très bien. Vous m'entendez bien ? Ben voilà, moi aussi, je vous entends bien maintenant. Alors, Président, donc on avait quitté l'Enduropal avec cette ouverte épreuve aux jeunes concurrents de 14 à 17 ans qui vont utiliser en plus des motos avec un carburant nouvelle génération qui émet 10 fois moins de CO2 que le carburant classique. Et donc, c'était ma transition avec cette réunion historique qui a eu lieu mi-janvier entre la Fédération française de moto, le Code des Verts, et la Fédération française des motards en colère. Réunion historique pour la défense de la pratique des deux roues. Il fallait au moins ça, puisque le deux-roues, selon vous, est en danger. Oui, le deux-roues est en danger, c'est-à-dire le deux-roues fait l'objet aujourd'hui d'une motophobie ambiante. Il est attaqué de toutes parts, sur le plan écologique par les extrémistes des associations environnementales, sur le plan de la sécurité routière, où on est un bouc émissaire, et à tout niveau, donc, visiblement, on nous considère comme les parias, un petit peu, de l'activité motorisée. Alors, quelles actions avez-vous envisagé de mettre en place pour redorer peut-être l'image de la moto dans les esprits, bien que, avec le sondage hein, que vous aviez commandé conjointement avec la Fédération française du sport automobile, bien que les gens, globalement, dans leur ensemble, ne se disent pas mécontents, en tout cas au niveau écologique, de l'utilisation de voitures et de compétitions sportives, voitures, motos. Écoutez, c'est ce qui est tout à fait paradoxal, c'est qu'aujourd'hui on fait l'objet de plus en plus d'attaques, notamment des mouvements écologiques, mais également de certains hommes politiques qui relaient d'hommes politiques qui ne sont pas de mouvements environnementaux et qui relaient aujourd'hui, qui commencent à relayer donc la parole de ces écolos. Aujourd'hui, le sport mécanique, le français, le sportif français, aujourd'hui le préféré des Français, c'est un sportif de sport mécanique. Le sport mécanique, le sondage l'a démontré, est soutenu par une grande majorité des Français, notamment si on s'adresse aux hommes, c'est quasiment un plébiscite. Donc il est paradoxal de constater qu'on est régulièrement attaqué aujourd'hui, alors qu'en fait les Français aiment les sports mécaniques. À l'approche des élections régionales, est-ce que justement ça ne va pas au-delà d'un problème purement écologique ? Est-ce que ce n'est pas tout simplement un problème électoraliste ? Mais non, moi personnellement j'en suis totalement persuadé. En ce qui concerne en tout cas les attaques dont les sports et les loisirs motorisés font l'objet, je suis persuadé qu'on est un bouc émissaire et que les Verts font pression sur certains de leurs alliés afin d'obtenir, des victoires sur leur tableau de chasse à moindre frais, à moindre coût. Parce qu'il est clair que c'est plus facile d'attaquer les sports motorisés plutôt que d'attaquer une industrie. Vous êtes président de la Fédération française de moto, donc, qui est donc une fédération sportive. Est-ce que vous avez abordé ces sujets avec le secrétariat au sport et peut-être aussi avec Ramayad ? Est-ce qu'elle vous a donné son point de vue sur la question ? Mais écoutez, je dois dire que là aussi, c'est un peu schizophrénique au sein du gouvernement. On est clairement soutenu par le ministère des Sports. Hein. Là-dessus, Ramayad, avec qui j'en ai discuté, est favorable. Elle considère que les sports mécaniques sont un sport comme les autres et qu'à ce titre, ils doivent être défendus. Donc, elle nous défend. Parallèlement, on a un autre ministère, le ministère de l'Environnement, pour ne pas le citer, eh bien, qui, lui, nous attaque tout azimut. On n'entend pas trop les constructeurs ou importateurs. Ils ne montent pas au créneau à vos côtés. Est-ce que vous les avez sollicités ? Écoutez, Pour l'instant, non, mais c'est quelque chose qu'on ne manquera pas de faire au cours de l'année 2010. Il fallait, je crois, dans un premier temps, que nous rassemblions toutes les associations représentatives de l'activité motocycliste, hein, que ce soit sur voie publique comme la FFMC, que ce soit en termes de loisirs verts pour le Que des Verts, ou en termes de sport motocycliste pour la Fédération française de moto. On s'est rassemblés aujourd'hui, on parle d'une même voix. On va demain aller voir les constructeurs pour leur demander de s'associer à notre mouvement. Président, troisième volet de votre intervention, comment se présente cette année 2010 et puis au-delà de ce combat dans lequel vous vous êtes engagé, qu'est-ce que vous attendez de cette année 2010 ? Mais écoutez, dans le cadre du combat qu'on a engagé, on travaille parce qu'on est également conscient qu'il faut que de notre côté, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous devons essayer de trouver des solutions également aux problématiques de réchauffement de la planète par exemple, ou d'épuisement des carburants fossiles qui interviendra un jour ou l'autre. Et à ce titre-là, donc, on a travaillé déjà depuis quelques mois sur les véhicules électriques. Alors, dans un premier temps, on pensait que ce serait très difficile d'intégrer des véhicules électriques en compétition. Et les premières expériences que nous avons faites sont relativement concluantes, hein, puisqu'on a organisé une première course de véhicules électriques en Seine-et-Marne il y a quelques mois. Un véhicule électrique a remporté l'une des manches. Donc, aujourd'hui, on sait qu'un véhicule électrique peut être compétitif. Et donc, on va continuer à développer cet axe-là. Et on aura peut-être un jour des compétitions de véhicules électriques. Bon, il reste bien sûr du travail à faire. Sur le plan plus sportif, on va dire que l'année 2010 s'annonce, en termes de Grand Prix de vitesse par exemple, ça s'annonce très très positivement, puisqu'on n'a jamais eu autant de Français en Grand Prix. On aura 8 Français en championnat du monde, que ce soit en 125, Moto 2 ou MotoGP en 2010, et ça augure d'une belle saison en la matière, avec notamment bien sûr Randy Depunier en MotoGP. En ce qui concerne les autres disciplines, mais écoutez, on essaiera de faire au moins aussi bien que l'année dernière, puisqu'on avait eu 2 titres en motocross, hein, avec Marvin Musquin et René en MX3. Et puis en enduro, on essaiera une nouvelle fois de remporter le championnat du monde par équipe. Eh ben oui, écoutez, oui, de conserver encore une fois plus une couronne qui est sur les épaules des Français depuis 2 saisons maintenant, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. On va essayer de faire la passe de 3. Eh ben alors. Et pourquoi pas. Président, tiens, il y a Jean-Luc Roy, normalement, qui est en ligne avec nous. Jean-Luc ? Oui, salut Xavier. Salut, tu vas bien ? Bonjour Jean-Luc. Voilà, ben, d'un motard à l'autre, peut-être Jean-Luc, tu devais intervenir pour le journal de la F1, mais bon, comme on a Jacques Boll sous la main, tu as peut-être quelque chose ou une question à poser au président de la Fédération motocycliste ? Oui, tout à fait. Bah, écoute, je suis ravi que tu me donnes cette opportunité parce que Jacques le sait depuis longtemps. Moi, je suis totalement solidaire de la démarche de la Fédération française de moto. Je crois que c'est très important. Notre sport est attaqué violemment et pernicieusement, donc avec des arguments absolument aberrants, invraisemblables. Et je vais avoir un langage encore moins policé que celui de Jacques, qui pourtant ne mâche pas ses mots. C'est une honte absolue de voir que dans ce pays, il y a des gens comme ça qui prétendent éradiquer un sport comme les sports mécaniques. Moi, je suis totalement outré. Donc, j'incite évidemment la totalité des fans de sport mécanique à se faire entendre, à poser des questions à leurs élus potentiels et à utiliser leur bulletin de vote. C'est ce qui fera le plus mal. Mais je crois qu'il y a des opérations qui vont être organisées très bientôt par la Fédération et je peux te dire qu'on en sera totalement solidaires et sur RMC et sur Motor TV. Merci Jean-Luc. Ben, en effet, on a d'ores et déjà interpellé l'ensemble des candidats aux élections régionales pour leur demander quelle sera leur position vis-à-vis de la moto en général s'ils sont élus et s'ils se retrouvent à la tête de leur région après les régionales. Ben voilà, je crois que c'est la bonne démarche, effectivement, parce que là, encore une fois, c'est un sport comme un autre, que ce sport doit s'adapter, tu viens de le dire. C'est tout à fait normal, c'est même indispensable. Je crois que c'est ce que demande, et on va faire la transition évidemment avec la F1, ce que demandent aussi les constructeurs, et peut-être verra-t-on un retour des constructeurs. Jean Todt en est conscient. Je crois qu'il y a une mutation qui doit s'opérer, mais je dirais dans tous les sports. Hein. Encore une fois, on en parlait avec le Dakar, l'empreinte en CO2 du Dakar est 20 fois moindre que la Coupe du Monde de rugby, et 100 fois moindre que la Coupe du Monde de football. Il faut quand même le dire et le répéter, non, que les gens aient bien conscience de ça. Jean-Luc, l'empreinte carbone des sports mécaniques est quasiment nulle. Elle est insignifiante. Donc c'est pour ça que nous sommes clairement un bouc émissaire. Je veux dire que si demain on supprime les sports mécaniques, la planète n'y gagnera strictement rien car le gain sera totalement infime. Donc c'est il faut le dire et le répéter. Le problème c'est que nous sommes emblématiques et à ce moment-là, le sport mécanique sera sur un tableau de chasse quelque chose de valorisant pour certains extrémistes, certains ayatollahs, il faut les appeler comme ça, de l'environnement, mais le gain pour la planète sera totalement nul. Non mais attendre des gens, je vais les citer, hein, comme Monsieur Borloo ou Monsieur Hollande, reprendre ce type d'argument, c'est absolument invraisemblable. Allez, je préfère, comme ce sont des gens intelligents, je préfère penser qu'ils sont très mal informés et un petit peu manipulés, voilà. Bon, ben ce sera le mot de la fin sur ce volet moto, Jean-Luc. Président Jacques Boll, merci infiniment d'avoir pris un petit peu de votre temps précieux pour cette intervention, mais qui méritait le détour quand même, puisque le combat ne fait que commencer et il va continuer. Et nous serons là, bien évidemment, comme l'a dit Jean-Luc, pour relayer vos actions, Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt. Jean-Luc, toujours là ? Bien sûr. J'espère bien, oui. On va essayer d'appeler Patrick Tambay donc pour ouvrir ce journal de la F1. Alors en attendant qu'on ait l'ancien champion pilote en ligne, on va parler peut-être un petit peu, commencer avec toi, de cette semaine de présentation des petits bijoux concoctés par les grandes écuries et notamment Mercedes. Alors c'était pas vraiment la vraie, puisqu'il s'agissait en fait de la Brown repeinte. La nouvelle Mercedes est en retard. Alors selon toi, est-ce inquiétant ou stratégique ? Non, je crois que c'est pas inquiétant. Alors déjà, en préambule, Xavier, je crois qu'il faut rappeler vraiment qu'on est à l'ouverture, et tout le monde est d'accord là-dessus, de l'une des saisons les plus passionnantes que la Formule 1 nous ait réservée depuis bien longtemps. Je pense qu'il y a au moins 4 écuries, hein, tous les avis s'accordent là-dessus, qui sont capables de l'emporter, tant en termes pilote que constructeur. Donc jamais la carte n'a été aussi ouverte que cette année. Alors tu parlais, et tu as raison de le dire, de Mercedes. On va reprendre chronologiquement, si tu veux, les présentations qui ont eu lieu. La première, c'était Ferrari le 28, donc c'était tout récent. Cette nouvelle Ferrari qui a énormément évolué, il valait mieux d'ailleurs. Puisque, la F10 Et oui, voilà, puisque la dernière, celle de 2009, était difficile, hein, par Raikkonen, qui l'avait brillamment mené à la victoire. D'ailleurs, je sais que on va en parler, on va pas déflorer le sujet avec Eric Briquet en fin d'émission. Tu sais Raikkonen tout. Qui est tourné vers le rallye, voilà. Donc, cette Ferrari qui sera aux mains de Fernando Alonso, bien sûr, et de Felipe Massa, dont évidemment on attend beaucoup du côté de chez Ferrari. McLaren, donc, elle a été révélée le 29. Et puis, tu parlais de Mercedes. Alors, la présentation officielle, ce sera normalement le 1er, en même temps que Williams, d'ailleurs, et que Toro Rosso. Alors, on a déjà vu des photos un petit peu volées de la Williams, la FW32. Et puis, j'ai sauté pour la bonne bouche ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, Sauber et Renault, cet après-midi, doivent révéler leur monoplace. C'est-à-dire que là, on est en plein dans l'actu. Et cette actu, elle va encore se renforcer la semaine prochaine, puisque les premiers essais démarrent dès demain à Valencia, en Espagne. À Valencia, exactement. Et c'est là-bas, d'ailleurs, que sera présentée la Renault, me semble-t-il, puisque, enfin, elle sera présentée d'ailleurs sur les Champs-Élysées cet après-midi. si je suis bien renseigné, à l'atelier Renault à partir de 16h30. Donc voilà, hein, les fans de moto, de Formule 1, si vous êtes sur Paris, eh bien rendez-vous sur les Champs-Élysées pour découvrir la R30, la Renault qui va disputer cette saison le championnat du monde de Formule 1. C'est ça, oui, ça doit être, effectivement, elle doit être présentée à une maquette, évidemment, hein, puisque les vraies machines seront là-bas sur le terrain pour les essais qui doivent débuter. Alors, ce qu'on attend, tu le sais bien, on parle des machines. Alors, juste, je vais donner les dates de présentation telles que nous les avons aujourd'hui. Donc, je l'ai dit, Sauber et Renault, c'est pour aujourd'hui. Mercedes, Williams et Toro Rosso, c'est pour le premier, hein, donc c'est demain. Demain. Virgin, ce sera sur le net, d'ailleurs, ils le font sur le web. Donc, la VR01 sera présentée, donc, sur le site de l'écurie, le site Virgin. Donc l'œuvre de Nick Wirtz. Et puis ensuite, il faudra attendre le 10 seulement pour la Red Bull. Alors ce qui est très étonnant, si tu veux, tu sais que les deux équipes Red Bull et Toro Rosso sont liées. Or, on présenterait normalement la Toro Rosso, donc je l'ai dit, demain. Et la Red Bull, il faudra attendre une dizaine de jours de plus. Alors est-ce qu'il y a là, pour le coup, tu disais masquer son jeu? Eh bien oui, est-ce qu'effectivement, du côté d'Adrian Newey, le génial inventeur, le génial ingénieur de chez Red Bull, eh bien on tarde exprès pour dévoiler le nouveau modèle, le 10. Et puis ensuite, Lotus, alors ça c'est mythique aussi, hein, ce sera le 12, au centre de Londres. Hein. Tiens d'ailleurs, un petit clin d'œil, ce sera au Royal Horticultural Hall. Tu vois que c'est marrant, hein, puisque... On parle de tendance écolo. Et puis ensuite, eh bien, quid de Force India, de Compos et de USF One. Ça, c'est un petit peu les trois inconnus du plateau. Et de Stéphane GP, la fameuse écurie serbe, qui a signé un accord avec Toyota, d'ailleurs. Voilà, pour et voilà, une voilà. Partie de Toyota, enfin des compétences et des techniques de Toyota et qui pourrait peut-être être aligné à Dubaï, c'est ça? Bah, écoute, eux, ils attendent. Hein. Ils sont un petit peu comme les charognards, comme les vautours, comme tu veux. Et ils attendent. Bon, Force India, ça devrait le faire, évidemment. Ça va marcher. Il y a aucun souci. On aura évidemment des pilotes sur la grille de départ. En revanche, du côté de Campos et de USF1, même si on a aligné et présenté José María López, le pilote argentin, ouais. Et il y a encore des inconnus, hein, du côté du SF1 et surtout de Campos. Allez, on va dire que c'est la place de Campos sur la grille que brigue a priori cette nouvelle écurie serbe Stéphane GP. On va y revenir dans quelques secondes, Jean-Luc. On marque une petite pause, il est 12h49 et on revient juste après pour continuer ce journal de la F1 en ta compagnie. À tout de suite. RMC Motors avec Motors TV, Xavier Richefort. 12h50, Motors, RMC, Jean-Luc Roy pour le journal de la F1. Toujours là, Jean-Luc? Yes, sir. Yes, sir. Super. Alors, dis-moi, donc tu nous as fait le papier, hein, sur la présentation des nouveaux bolides, hein, qui seront sur les pistes cette saison. On a senti de grosses ambitions chez McLaren au moment de la présentation, avec, c'est vrai qu'elle a fière allure quand même cette équipe, avec deux champions du monde qui vont être au volant de cette MP4-25. Eh bien écoute, là tu as bien résumé la situation, parce que déjà il faut savoir que depuis 60 ans que le championnat du monde de Formule 1 existe en tant que tel, jamais une écurie n'a aligné les deux anciens champions du monde de rang, c'est-à-dire le champion 2008 évidemment, Lewis Hamilton, et le champion 2009, Jenson Button. De surcroît, ces deux pilotes sont britanniques, donc je te dis pas, là aussi, le potentiel d'émotion du côté de nos amis britanniques, ça va être du chaud bouillant. Et donc, évidemment, les ambitions de McLaren sont très claires, hein, c'est décrocher le et même les titres. Et les deux pilotes le disent, alors pour le moment, évidemment, ce sont des vœux pieux. On dit, il faut qu'on travaille ensemble pour avoir la meilleure voiture, la meilleure écurie, et après, on verra bien qui l'emporte. Alors, je vais te rafraîchir un peu la mémoire, mais tout le monde s'en souvient. Hein. Les dernières étincelles, entre guillemets, qu'il y a eu chez McLaren, tout le monde s'en souvient bien. C'était la fameuse saison 89 où ça avait éclaté, tu te rappelles, entre évidemment Alain Prost et Ayrton Senna, et qui s'étaient livrés tous les deux à un duel à couteau tiré, vraiment, après le titre d'Ayrton en 88. Et ça avait abouti d'ailleurs au départ d'Alain Prost chez Ferrari pour la saison suivante. Et d'ailleurs, tiens, j'ai trouvé, puisqu'on est dans les chiffres et dans la nostalgie, chez McLaren, c'est la première fois depuis 1968, c'était chez Lotus, hein, que deux pilotes britanniques sont alignés dans la même écurie. À l'époque, c'était... Allez, vas-y. Graham Hill et... Oula, et attends, 68, forcément, Jim Clark. Oui, félicitations, ouais. Docteur F1, Docteur Motors. Oui. Ouais, ouais. Alors, on a évoqué tout à l'heure le Renault et la présentation de la R30 à l'atelier Renault et puis à Valencia dans le même temps. Quelles sont les ambitions de Renault cette année, selon toi? Écoute, c'est déjà de se remettre dans le coup. Hein. Je crois que c'est très important. Après, n'hésitons pas, une saison 2009 absolument catastrophique. On ne va pas reparler, donc je n'en reparle pas. Non. Les affaires autour, mais c'était vraiment dramatique. Et les résultats sportifs n'étaient pas là, malgré le talent exceptionnel, il faut le répéter, de Fernando Alonso. Donc il n'y avait pas grand-chose à faire de cette voiture. L'équipe était totalement déboussolée. On sait qu'elle a donc changé d'orientation avec la prise de participation donc de Genii Capital, cette société luxembourgeoise, donc avec menée par Gérard Lopez. Et on sait que maintenant, avec la nomination d'Éric Boullier qu'on a eue dans cette émission, donc qui va être le nouveau team principal de Renault, eh bien, c'est un jeune ingénieur très, très brillant, hein, de 36 ans, qui vient donc du GP2 et de chez Dams. Ben, il faut absolument que ça marche maintenant très fort pour Renault. Alors, on attend toujours d'ailleurs le deuxième pilote. Hein. On sait que c'est Robert Kubica, le brillant polonais, qui a eu des hésitations lui aussi, mais qui va rester chez Renault. Il faut que le deuxième pilote soit vraiment un pilote de calibre et un pilote capable de marquer des points tout de suite. C'est très important, c'est même vital pour Renault, à mon avis. Alors justement, concernant ce deuxième pilote, on parle beaucoup de Petrov. Oui, est-ce que alors, ce sera un bon choix? Bah, écoute, il est talentueux, hein, Vitaly Petrov, il l'a démontré justement en GP2, en gagnant des courses, de mémoire aussi, en terminant vice-champion. En plus, voilà, il a une mallette qui est bien remplie, on sait que ça compte également, mais pour parler de son talent, moi je pense qu'il a le potentiel, au même titre d'ailleurs que son vainqueur 2009 en GP2, c'est-à-dire Nico Hülkenberg, voilà, qui lui a été donc légitimé chez Williams, hein, maintenant. Donc je pense qu'il est pratiquement du niveau d'Hülkenberg. Alors à mon avis, ça peut être une révélation. Et puis alors écoute, une autre émotion, ce serait le premier pilote russe titularisé en Formule 1, ce qui serait un événement d'une envergure absolument incroyable. Donc Vitaly Petrov, ça me paraît un très très bon choix. Tu as évoqué le talent de Fernando Alonso la saison passée. Fernando Alonso qui est passé chez Ferrari aux côtés de Felipe Massa. Les deux hommes étaient présents lors de la présentation de la voiture. Felipe Massa, est-ce qu'il est prévu? Parce qu'il y a Fisichella qui est dans les starting blocks au cas où. Oui, alors effectivement, Fisichella, il a essayé de se replacer ailleurs, hein, notamment chez Sauber. On l'a vu sur les rangs chez Sauber. Et puis finalement, on lui a préféré Kobayashi dans un premier temps et Pedro de la Rosa, le vétéran espagnol, dans un deuxième temps, 38 ans quand même, Pedro de la Rosa, hein, ex-pilote à Rose, Jaguar et McLaren. Donc Fisichella, il a été quelque part contraint de rester troisième pilote Ferrari, c'est-à-dire malheureusement avec pas de potentialité. Non, moi je crois que Massa est parfaitement dans le coup. Il y a eu des tests de menée là aussi avec une machine, je crois, 2007 avec des pneus de GP2, enfin bref, il a gagné une épreuve de kart. Non, à mon avis, Felipe, c'est tout ce que je lui souhaite parce que c'est un type talentueux et sympathique. Je pense qu'il est revenu absolument au top et il doit être motivé comme jamais par la présence de Fernando Alonso à ses côtés. Fernando Alonso qui s'est fendu de sa petite remarque concernant les nouveaux règlements. L'interdiction des ravitaillements lors des courses 2010 va selon lui changer la donne pour le champion espagnol. Il faudra être impérativement dans le top 3 lors des qualifications. Un pilote ne pourra pas gagner sans partir de l'une des trois premières positions. Est-ce aussi ton avis? Bah écoute, c'est peut-être un peu, enfin je vais laisser évidemment Fernando la responsabilité de ses affirmations, hein, il a d'autres compétences que les miennes. Bah, des trois premiers, bah, comme toujours, hein, on le sait bien, en Formule 1 et dans beaucoup de compétitions, il vaut mieux évidemment être bien placé sur la grille. Alors c'est vrai que cet élément ravitaillement, c'était un petit peu l'inconnu, même si depuis l'an dernier on connaissait la charge en carburant des monoplaces au moment du départ. Alors moi ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on va revoir des vrais qualifs, comme à la grande époque justement d'Ayrton Senna et autres, hein, des vrais qualifs avec des monoplaces légères, avec des pneus tendres, et on va avoir des tours de folie pendant les qualifications. Donc ça va être absolument génial. Et puis ensuite, bah, on sait qu'on va remettre le plein de carburant. Alors, il y a une petite évolution, justement, en réglementation. Xavier, tu en faisais état. C'est que logiquement, je pense que ça va être retenu et entériné par la commission F1. On devrait partir dans le premier stint, donc le premier relais, parce qu'on aura le droit de changer les pneus, hein, bien sûr, en Formule 1, on devrait partir avec le choix de pneus qu'on a retenu pour les qualifs, pour la dernière partie des qualifs. Alors ça veut dire que bah, les 10 pilotes les plus rapides vont a priori opter pour les pneus les plus tendres, hein, pour évidemment être performants en qualif, et ils vont devoir partir avec le plein de carburant, les pneus tendres. Ça va être super intéressant en termes de gestion, et tu me vois venir, je pense qu'un vieux briscard comme Schumacher, évidemment chez Mercedes, va avoir une très belle carte à jouer. Première polémique qui est sur le point de naître, première controverse en tout cas concernant les diffuseurs, les top teams qui redoutent que leur rival ait choisi des options trop extrêmes. Est-ce qu'on est à l'aube en ce début de saison déjà de petits soucis à ce niveau-là? Bah, très bonne question, Xavier Pisson. On sait que les diffuseurs avaient quelque part lourdement pesé sur le résultat 2009 avec ce coup de génie de Ross Brawn qui avait donné un avantage technique et aérodynamique absolument incroyable au Brawn Grand Prix pour la première moitié de la saison. Le temps que les autres ingénieurs réagissent et ils viennent, mais l'avance qu'avait acquis l'équipe Brawn, eh bien, a été impossible à combler pour les autres, on l'a bien vu. Alors, évidemment, maintenant on connaît la technique, hein, donc tous les ingénieurs ont travaillé à fond sur cet aspect double diffuseur, dont on peut d'ailleurs dire qu'ils seront interdits pour 2011. Donc logiquement, c'est le dernier baroud d'honneur de ces fameux diffuseurs miracles. Maintenant, est-ce que les ingénieurs, Brawn bien évidemment, mais aussi Adrian Newey et d'autres, ne vont pas avoir trouvé autre chose? C'est vrai qu'il y a des discussions là-dessus. Bon, là, cette fois, j'espère qu'on va tirer la leçon des atermoiements et des hésitations du début de la saison 2009. Et je pense que là aussi, du côté de la FIA, où on sait d'ailleurs considérablement renforcé. Hein. Jean Todt, évidemment, a appelé du monde, notamment Gilles Simon, qui était responsable des moteurs chez Ferrari. Donc, tu vois, et Luca Marmorini, et un autre ingénieur qui a rejoint la FIA également. Ça veut dire que du côté de la FIA, on se méfie justement des astuces et des dérives que pourraient proposer les ingénieurs. Ouais. Jean-Luc, merci infiniment pour ton expertise et ton œil toujours aussi avisé. Merci d'avoir été là et à très vite, dimanche prochain, bien évidemment, j'imagine. Dimanche prochain, enfin, large tour d'horizon, puisque les premiers essais F1 hivernaux auront lieu avec Patrick Tambay, avec Stéphane Sanson et Antoine Arlot qui nous rejoint pour cette saison de F1. On va se régaler, je te le disais. Voilà. Et bien évidemment. Et nous, on s'est régalé avec toi. Il est 12h59, le temps de marquer une petite pause et ce sera le journal, les nouvelles qui vous seront présenté par Annabelle Roger. À tout de suite.